ça va. Et j'ai le Schmitt dans les pattes. Je me sens pas chez moi, ici ou là-bas. Donc faut faire du genre, Karim, il faut qu'on se barre. On m'a boycotté, ma liche c'est la vie. Je suis des gars sans l'oseille, personne me tend la main. Ma vie c'est un film, je vais te la raconter. Dans les rues de ma ville, je rôde et je fume tous les soirs. Y'en a marre, moi aussi je veux ma part. Mon compte au Bahamas, je vis dans mes rêves. Tristesse dans ma mélo, ils voudraient que je crève. Donc j'ai sorti l'écrou, et moi je suis toujours dans mon bédo. Les plans comme nous, nous, mama, faut faire de la moula, de la maille, ce putain de hood a gâché ma life. J'ai des mauvaises idées, mais bon faut naviguer, mon frère s'est décidé, mais mes proches m'ont pas aidé. Je veux pas me noyer, la prison les condé, moi j'ai prié, qu'on regarde mes films au ciné. J'suis la star de ma